Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, un passé de paillettes. Cinéma, chansons et musical, les Arabes font la fête. C'était la grande époque du cinéma, de la musique, de la chanson, de la danse. Tout se faisait au Caire. Le développement du cinéma dans les pays arabes ne pouvait qu'être prolifique et très lucratif. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Je m'appelle Magda Wassef. Je suis critique de cinéma, historienne du cinéma arabe. Vous avez également eu une nombreuse activité. J'ai lu quelque part que vous disiez directrice artistique du Festival international du film du Caire. Moi, j'étais présidente du Festival du Caire. Oui. De 2015 à 2017, pendant 3 ans, c'est ma dernière fonction. Avant, j'ai été présidente du festival de Louxor du cinéma égyptien et européen, pendant 3 ans aussi. Mais avant ça, j'ai eu de longues activités. J'étais à l'Institut du monde arabe pendant 20 ans. J'ai créé le département cinéma on a créé aussi la Biennale des cinémas arabes en 92 jusqu'à 2006. C'était le seul festival consacré au cinéma arabe en France, mais en Europe. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas mal d'activités toutes liées au cinéma en général. Et l'enseignement également? Et l'enseignement, j'ai enseigné à Paris 3, où j'avais fait mes études. J'ai fait une thèse de doctorat avec Marc Ferrou à l'École des hautes études en sciences sociales autour de la femme et du cinéma, dont le cinéma, la femme dans le cinéma égyptien. Voilà plein de choses. Alors, avant que nous ne parlions, comment vit la ville, comment vit le pays, pourriez-vous nous donner un peu quelques échos? Écoutez, moi, je suis dans mon appartement à Héliopolis. C'est un quartier du Caire. C'est le calme plat, comme partout. Le confinement est décrété pour tout le monde. Il y a des gens qui descendent, bien sûr, travailler, mais la ville est au ralenti. Tout est au ralenti actuellement. Pas trop de panique, ce qui est bien. Je crois que les gens, malgré quelques histoires qu'on a entendues, l'histoire de ce qui s'est passé à Alexandrie, apparemment, il y a eu des gens qui ont manifesté contre le coronavirus dans la rue. Ça, c'est pour protester et conjurer le sort. Voilà, donc des choses comme ça. Mais en général, bon, il y a eu aussi les églises et les mosquées sont actuellement fermées. Ce qui n'empêche pas le muezzin de prier les 5 prières avec des haut-parleurs. Mais sinon, c'est vraiment un calme assez important. C'est une ville qui ne dort jamais, qui vit nuit et jour. Et là, c'est vraiment un rythme tout à fait inhabituel pour cette ville du Caire en particulier. Que vous inspire ce silence aussi singulier, aussi rare dans une ville pareille? C'est assez troublant quand même tout ça. Mais on le voit partout. Enfin, on est là à voir ce qui se passe à Paris, je ne sais plus, partout dans le monde. C'est vrai qu'on suit un peu l'actualité un peu partout. Il n'y a que le coronavirus, on ne parle que de ça. Donc c'est des villes fantômes un peu partout dans le monde. Et je crois que c'est tant mieux que la limiter un peu les dégâts parce que au Caire, je crois que comme en Italie, les gens n'ont pas tellement suivi les consignes de confinement au départ. Les cafés étaient ouverts, bondés. Les premiers jours, bien sûr. Et puis ensuite, il y a eu d'autres. L'État, le gouvernement a décrété de nouvelles consignes plus rigoureuses. Et là, je pense que ça va aller plus loin si jamais on ne respecte pas tout ça. Donc c'est un peu une situation un peu particulière. À partir de quand le gouvernement a-t-il imposé ces nouvelles consignes? Hier, il y avait le premier ministre qui a parlé. Il y a eu plusieurs étapes. C'est un peu comme ce qui se passe un peu partout. De première étape, deuxième, troisième. Donc là, hier, c'était au lendemain de ces manifestations des intégristes d'Alexandrie. Donc il y a eu confinement à partir de 5 heures de l'après-midi. Tout le monde doit rester couvre-feu à partir de 5 heures du soir. L'après-midi. Mais avant, c'était les boutiques fermées, les cafés, tout ça était les restaurants, les salles de cinéma, tout était... Non, mais c'est un peu progressif. En fonction de l'évolution de la situation. J'ai l'impression, même si au départ, on ne croit pas, c'est question de confiance, bien sûr, mais qu'il y a une certaine maîtrise. Maintenant, on ne sait pas réellement ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de test de dépistage pour tout le monde. Magda Wassef, écartons-nous donc de cette actualité par trop pesante et trop systématique pour nous plonger avec vous et grâce à vous dans le cinéma égyptien. Il y a un ouvrage, 100 ans de cinéma égyptien, que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion d'avoir pour cause de coronavirus, vu que tout est bloqué. Toujours est-il que nous avons évoqué déjà dans les précédentes émissions les années 30 et 50 avec Éric-Antoine Lebon, auteur d'un blog sur les vedettes féminines des comédies musicales et des mélodrames du monde entier, incluant donc notamment un certain nombre d'actrices tant égyptiennes que syriennes ou encore libanaises. Je voudrais qu'on commence peut-être par un mot que je vais, pardonnez-moi, mal prononcé, qui a à voir, me semble-t-il, avec le récit, Hadouta Masriya. De quoi s'agit-il ? Hadouta Masriya, c'est une histoire égyptienne, c'est un film de Youssef Chahine, où il raconte sa... en fait, Youssef Chahine, en 78, a réalisé un film qui s'appelle « Alexandrie, pourquoi ?». C'était la première fois qu'il parlait de sa famille, de lui-même, de son histoire personnelle, de jeune alexandrin issu d'une famille syro-libanaise chrétienne d'Alexandrie. Et il racontait son enfance, sa jeunesse, Alexandrie. Le deuxième volet de ce triptyque, parce qu'il y a trois films qui racontent son histoire, c'est Hadouta Masriya. Hadouta Masriya, c'est histoire égyptienne, une histoire égyptienne où il raconte, deuxième période, son activité de cinéaste à une époque donnée, donc les années 50 et 60. Coup de tonnerre ou pas, toujours est-il que l'histoire du cinéma égyptien va connaître un certain virage en tentant de s'affranchir des archétypes. Et je voudrais avec vous ouvrir une page. C'est quand le cinéma égyptien a commencé à sortir du studio pour aller tourner dans la rue. Est-ce que vous pourriez un peu nous situer le moment, disons le premier grand virage que va connaître le cinéma égyptien une fois qu'il aura passé, mais sans doute ne l'aura-t-il pas d'ailleurs complètement passé, cette grande période du mélodrame et de la comédie musicale? En fait, c'est un peu comme ce qui s'est passé dans le monde. L'influence du cinéma italien est très grande sur le cinéma égyptien. Le réalisme à l'italienne a été un modèle pour les cinéastes égyptiens des années 50 qui ont eux aussi essayé de faire des films un peu le réalisme à l'égyptienne, avec Salah Abou Seif, avec Atef Salem, Youssef Chahine aussi, à sa façon, il a toujours eu un style particulier, mais c'est surtout la génération des années 60 et 70 qui a, elle, déserté un peu les studios et suivi un peu le modèle plutôt de la nouvelle vague française et tourné dans les rues et commencer à même sortir, tourner parfois dans des appartements et non pas dans les studios où on construisait les décors. D'ailleurs, le premier film qui a marqué un peu le cinéma égyptien, qui essayait de faire un peu vrai, c'est La Volonté, un film de 1939. Et ce film a été tourné en plein studio Mistre, mais il reconstituait le décor d'un quartier populaire égyptien. Donc il commençait à parler des gens de la classe moyenne dans leur cadre, mais ce cadre était reconstitué dans un studio. Et ça a été le lieu où on a tourné énormément de films par la suite. On reconstituait à l'intérieur des studios le cadre où se déroulait l'action. Mais à partir des années 60, ou plutôt des années 70 aussi, c'est dans les rues du Caire, dans les rues d'Alexandrie, on sortait du studio et on commençait à raconter des histoires plus proches de la réalité, du quotidien. Magda Wassef, comment s'est construite la formation de ces réalisateurs? On peut imaginer que aller voir les films dans les salles de cinéma, les films d'ailleurs, permettait de se former, mais il faut aussi se former techniquement. Qu'en a-t-il été? Les premiers réalisateurs ont été formés à Paris et à Berlin. Donc ce sont deux villes qui ont été les lieux où faisait le cinéma d'une certaine époque, des années 30 et 40. En fait, il y a eu même avant quelqu'un qui s'appelle Mohamed Bayoumi. Mohamed Bayoumi a été un des précurseurs, un pionnier du cinéma égyptien, et lui, c'était à Berlin qu'il a été, et c'est là-bas qu'il a été formé. Ensuite, il y a eu le Studio Mistre. Studio Mistre, c'est le plus grand studio égyptien. Ce studio Mistre faisait partie d'un groupe, le groupe Mistre, initié par un homme d'affaires nationaliste qui s'appelle Talat Harb. Talat Harb a mis en place le début de l'économie nationale égyptienne. Il a mis en place les bases de l'industrie égyptienne et, entre autres, il a créé ce studio Mistre. Et il a commencé à envoyer de jeunes boursiers qui travaillaient dans ce studio comme assistants. Il les a envoyés à l'étranger. Il les a envoyés à Paris, il les a envoyés à Berlin. Et ce sont ces jeunes-là qui sont revenus dans les années 40 et qui ont commencé ce nouveau cinéma égyptien fait par des Égyptiens. Parce qu'avant ça, il y avait beaucoup de cosmopolitisme dans le cinéma égyptien. L'Égypte était un pays ouvert. Un pays accueillant de tous les... Aujourd'hui, on vit ces vagues d'émigrés qui viennent de partout vers l'Europe. L'Égypte était un lieu où se sont réfugiés, par exemple, les Russes blancs, une partie des Russes blancs, les Hongrois, beaucoup d'Européens, en plus, bien sûr, les traditionnels Italiens ou Grecs qui étaient là. Mais c'était un lieu qui attirait, qui était un pays riche et qui attirait beaucoup les étrangers. Donc ces gens-là faisaient partie de l'industrie du cinéma égyptien. C'est eux qui ont initié les Égyptiens à cette nouvelle industrie. Quand on voit les génériques des films égyptiens de ces années 30 et 40, d'ailleurs on mettait les noms en français et en arabe, et on voyait le melting pot extraordinaire où se côtoyaient des noms de tous les pays du monde avec des noms égyptiens. Et c'est là, c'est à partir de ça qu'il y a eu l'apprentissage d'un côté, mais en même temps, il y a eu cette formation dans les pays qui étaient les mieux appréciés à cette époque-là par les Égyptiens, qui étaient la France et l'Allemagne, entre guillemets. Magda Wassef, vous nous précisiez que cet homme d'affaires était nationaliste. En fondant un pareil dispositif, attendait-il ou choisissait-il d'avance une certaine écriture du cinéma? Avait-il un droit de regard même sur les scénarii qui étaient écrits? Non. Lui, c'était... Il avait une conception. En fait, qu'est-ce qui s'est passé avec ce Talat Harb? Les Égyptiens... L'histoire de l'Égypte est très importante parce que jusqu'aux années 20, jusqu'à 1923, il n'y avait pas de parlement, il y avait la dépendance à l'égard de l'Empire ottoman d'un côté, et puis il y avait aussi les Anglais qui étaient là depuis 1882. Donc il y avait une occupation anglaise d'un côté, et puis il y avait encore la tutelle ottomane. Donc il y avait aussi une aspiration des Égyptiens à partir de Mohammed Ali, après les nouvelles générations d'Égyptiens qui ont été formées à cette époque-là, pour une indépendance de l'Égypte. Donc l'indépendance de l'Égypte n'était pas possible sans une indépendance économique. Or, toutes les banques étaient des banques étrangères. Les industries étaient tenues par des étrangers, ainsi de suite. Et donc, ce Talat Harb, cet homme, qui était un des propriétaires terriens, comme tous les Égyptiens, les riches Égyptiens, avait des terres, mais n'intervenait pas au niveau de l'économie du pays, autrement que par ses propriétés terriennes. Donc, lui a décidé de créer cette banque Mistre, Banque d'Égypte. Et à partir de ça, il a créé ce groupe Mistre, où les Égyptiens ont déposé leurs économies et lui a fait fructifier ces économies en créant ce groupe qui a eu plusieurs activités économiques et entre autres le cinéma et cette société. Donc lui n'intervenait jamais au niveau du contenu. Il y avait des gens qui dirigeaient les studios, qui s'occupaient, qui faisaient leur boulot. Mais lui, c'était l'idée d'avoir une industrie indépendante, des salles de cinéma, parce qu'il y a eu aussi un réseau de salles qui a été créé. Donc il avait une conception globale de ce secteur, du cinéma, du théâtre aussi, et non pas seulement de l'industrie du textile ou bien de la banque. On peut parler d'un cas à part, d'un cas en tout cas singulier, dans l'histoire du cinéma mondial. En fait, lui a vu le premier film égyptien qui s'appelle Layla, qui a été produit et joué par une actrice qui s'appelle Aziza Amir, qui a été comédienne de théâtre. Et elle a pris l'initiative de produire et de co-réaliser, parce qu'elle s'est mêlée un peu de tout, ce film Layla. Et à la première de ce film, on a assisté Talat Harb. On raconte, bien sûr, il l'a salué et il a dit que c'était quelque chose d'admirable ce qu'elle a fait et qu'une femme a fait ce que les hommes n'ont pas réussi à faire. Et donc ça, c'était le départ, c'était en 1927. Et lui a mis en place tout doucement une politique de création de toute la structure nécessaire. Et donc la création d'un studio, un grand studio, tous les équipements modernes du cinéma, mais il a aussi la formation des gens. Donc il y a eu pendant 10 ans, la préparation de ce projet de Studio Mistre qui a été ensuite inauguré et qui avait, à part les films de fiction, dont son premier film était Wydad de Oum Kalsoum, premier film de Oum Kalsoum en 1939, et ce film a été au premier festival de Venise en 1939. C'était quelque chose d'assez avant-gardiste pour l'époque et pour le pays aussi. L'homme est-il statufié aujourd'hui quelque part en Égypte? Oui, bien sûr. Il y a une place Talat Harb en plein Caire avec sa statue. La banque Mistre a été malheureusement nationalisée par Nasser alors que c'était une banque nationale. Mais bon, ça, c'était un peu la guerre contre tous les hommes d'affaires. Mais la banque existe toujours avec, bien sûr, c'était une des grandes banques d'Égypte jusqu'à maintenant. C'est un cas d'exemple assez important dans l'histoire du pays. يا ابو ضحكة جنان مليانة حنان يا ابو ضحكة جنان مليانة حنان هيضحكها كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكة جنان. À partir de ce premier studio, comment se construit la suite? Est-ce que d'autres studios naissent? Et si oui, quels en sont les acteurs? Il y avait énormément de studios parce qu'il y a eu une vraie industrie du cinéma avec toute la chaîne de la production, la distribution, le marché intérieur et extérieur. Donc il y a eu tous les éléments nécessaires pour favoriser le développement de cette nouvelle industrie du cinéma. Et donc les studios étaient pendant longtemps le lieu où on tournait les films. Avant, bien sûr, que les gens ne sortent tourner à l'extérieur comme ça a été le cas un petit peu partout dans le monde. Ce qui laisse entendre que pour les réalisateurs, les acteurs, actrices, les techniciens qui ne sont pas égyptiens, mais qui souhaitent travailler dans le cinéma, vont progressivement tous monter en Égypte? Oui, mais c'était pour devenir un grand chanteur, on devait passer par le Caire, chanter en égyptien d'ailleurs, parce que c'était la langue, le dialecte le plus connu. Pour devenir star du cinéma, c'était le lieu. Il fallait venir au Caire. Le Caire était un peu la Mecque et du cinéma et de la musique. Et c'était la grande époque du cinéma, de la musique, de la chanson, de la danse. Tout se faisait au Caire. On ne parlait même pas d'Alexandrie. Mais le Caire, c'était le lieu où tout se faisait à cette époque-là. Cette époque, elle a duré quand même longtemps. Jusqu'aux années 60, il n'y avait que le cinéma égyptien. Et après, progressivement, avec les indépendances, les pays arabes, chacun a commencé à créer son propre cinéma plutôt. Parce que l'industrie, il n'y en a pas tellement dans ces pays jusqu'à maintenant. Alors, on parle de cinéma égyptien avec Magda Wassef, on a parlé des réalisateurs, on a parlé des studios, parlons peut-être également des salles de cinéma, parce qu'avec un tel dispositif, on peut imaginer que le parc des salles de cinéma est particulièrement important, mais il va falloir, dans votre réponse, Magda Wassef, peut-être nous distinguer la part urbaine de la part non urbaine. À Alexandrie et au Caire, bien sûr, beaucoup de salles, mais ailleurs, dans le reste du pays. Alors, il y a plusieurs époques, plusieurs périodes. Actuellement, il y a regain d'intérêt pour les salles de cinéma qui ont fermé pendant les années, disons, à partir des années 70, 80, 90 même, les salles de cinéma, les grandes salles de cinéma d'autrefois disparaissaient. Et le nombre de salles s'est complètement rétréci. Et puis, au cours des années, disons, 90 et surtout les années 2000, il y a eu beaucoup de multiplex dans les grandes villes. Dans toutes les grandes villes, beaucoup de salles ont été créées. Des petites salles, 5, 6, 7, 10 salles parfois dans des malls, comme un peu partout dans le monde actuellement. Tout en laissant les provinces égyptiennes, qui avaient autrefois leurs salles, un peu démunies. Quand on a été à Luxor, quand j'ai eu cette idée de créer un festival de cinéma à Luxor, j'avais été voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme possibilité de salles de projection. Il n'y en avait aucune. Il y avait deux salles, une dans une maison de culture et une autre dans une sorte de palais des congrès, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Mais ça, c'était des salles plutôt institutionnelles qui n'étaient pas les salles de cinéma habituelles. Donc, il y a eu, à un moment donné, multiplication de mosquées un peu partout et disparition progressive des salles de cinéma. Et c'est lié, tout ça, bien sûr. Il y a aussi que les salles d'autrefois étaient des salles assez importante, grande salle un peu à la Rex, les grandes salles de cinéma d'autrefois. Et il y avait en Égypte aussi une tradition, les salles d'été, parce qu'il fait beau et on a toujours des jardins. Il y avait la salle d'hiver, salle d'été. Toutes les salles avaient cette salle d'été où les gens allaient passer leur soirée. Ils voyaient deux films dans la soirée et c'était des sorties familiales traditionnelles. Tout le monde sortait, tout le monde allait au cinéma et c'était à trois sous. Progressivement, les salles de cinéma, leur emplacement dans les grandes villes, dans les un peu partout, devenaient un problème immobilier. On avait besoin de démolir ces salles pour construire des immeubles. Donc, il y a eu d'un côté cette tendance et d'autre part, il n'y avait pas de protection de ce patrimoine. C'est un patrimoine, mais il a été malheureusement dilapidé. Intégralement dilapidé ou reste-t-il encore ? Non, il reste encore quelques salles qui ont été parce qu'il y a eu des voix qui se sont élevées pour protester. Voilà. Il y a eu rénovation de quelques grandes salles, centre-ville du Caire. Centre-ville du Caire, par exemple, dans les 4-5 petites rues comme ça, un peu le centre historique du Caire. C'est un centre, le Caire haussmannien, comme on dit, parce que c'est Haussmann qui avait créé le Caire du temps du Khedive Ismaël. Et c'est un peu dans ces grandes rues-là, les grandes rues du centre du Caire, il y avait au moins 10, 15, 20 grandes salles. Il y a au moins 10 qui restent encore, mais elles ont été un peu à l'abandon. On ne pouvait plus voir un film correctement. Les sons étaient mauvais, l'image était mauvaise. Et ensuite, il y a eu, actuellement, ces 10 dernières années au moins, il y a eu la numérisation. Donc, forcément, ils ont été forcés de transformer un peu toutes ces salles et rénover ces salles avec leur architecture, avec leur décoration. Donc, il y a une architecture aussi liée. C'était un lieu c'était beau quand on allait dans ces salles, c'était pas uniquement voir un film. Il y avait un lieu de rencontre, il y avait le matin pour les enfants. Il y avait des traditions comme ça qui ont duré longtemps, que j'ai eu la chance de connaître pendant mon enfance en Égypte. On va laisser le muezzin finir son chant et on va... C'est absolument extraordinaire. Voilà. فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا. Respect oblige, nous avons choisi de laisser toute la place au muezzin. Nous retrouverons quant à nous Magda Wassef, auteur de 100 ans de cinéma égyptien, demain au micro d'Histoire Vivante. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.